lâche les pauvres. Cross. Better never thought I would shine like this. My goal and now I tell the time like this. I win my wrist, 40 bands on my wrist. A bad bitch, nigga just can't resist. Je vis la vie avec mes thugs. La vérité nègre, je viens d'un monde à part. C'est au pied du mur que l'on voit qui fait le bois. Il est stupide, ça bête, n'en qui est font là-bas. Niggas be plotting and I can see why. I'm getting money and I can see why. Just fuck your bitch though and I can see why. I just seen a DM and I didn't reply. Non, non, non. Ils font des complots et je sais pourquoi. Je fais du gros donc je sais pourquoi. Je nique ta meuf négro, je sais pourquoi. Mais je vois son DM mais j'y répondrai pas. Comme son culo ta vie est trop plata. Comme Sangoku un seul coup kata. Je viens les balles sont real top shata. Demande à l'ibou en plein hiver, je reste hata. Fais le choix, nègre, peu mon plata. Chaos fatal, boum boum, ratatata. Benafou, je traduis, yeah, no mata. Relax, relax, négro, tire une lata lata. Real G, yeah, real la sala. En quatre coups d'œil, on a sous mon matelas. Je sais bien pourquoi tous ces négros sont là. Je fais des week-ends enculés, ils font pas le mois. I better never thought I would shine like this. My goal and now I tell the time like this. I win my wrist, 40 bands on my wrist. A bad bitch, nigga just can't resist. Je vis la vie avec mes thugs. La vérité nègre, je viens d'un monde à part. C'est au pied du mur que l'on voit qui fait le bois. Les stupides, ça bête, n'en qui est font là-bas. Niggas be plotting and I can see why. I'm getting money and I can see why. Just fuck your bitch though and I can see why. I just seen a DM and I didn't reply. Non, non, non. Ils font des complots et je sais pourquoi. Je fais du gros donc je sais pourquoi. Je nique ta meuf négro, je sais pourquoi. Mais je vois son DM mais j'y répondrai pas. Shots fired, I hate these hating niggas. The same ones in my city that won't make a nigga. Shout out to my Jamaican and Haitian niggas. Third world mob, keep the blade like Jason, nigga. Now I scoop a bad bitch with a little waist. Take her back to the crib, come on that pretty face. Yeah, you see the foreign one eye the entrance. Now of course they ain't in mouth, seen in every sentence. Yeah, they be proving they no friend of me. Heard they moving low key with the enemies. But my niggas bang colors like parakeet. My nation stand tall for a nigga like 7 feet. I better never thought I would shine like this. My goal and now I tell the time like this. I win my wrist, 40 bands on my wrist. A bad bitch, nigga just can't resist. Je vis la vie avec mes thugs. La vérité nègre, je viens d'un monde à part. C'est au pied du mur que l'on voit qui fait le bois. Les stupides, ça bête, n'en qui est font là-bas. Niggas be plotting and I can see why. I'm getting money and I can see why. Just fuck your bitch though and I can see why. I just seen a DM and I didn't reply. Non, non, non. Ils font des complots et je sais pourquoi. Je fais du gros donc je sais pourquoi. Je nique ta meuf négro, je sais pourquoi. Mais je vois son DM et j'y répondrai pas.